À la place du vert, un jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur un danger particulier. Il autorise le franchissement du feu, mais avec une prudence renforcée. Ce feu jaune clignotant est en bas lorsque cette situation est permanente. Il ne donne aucune indication sur la nature du danger qu'il signale, ni sur le régime de priorité qui s'applique. Mais ici, le passage pour piétons suggère qu'il s'agit d'un endroit où les piétons ont souvent besoin de traverser la route et que ce sont eux qui gèrent les phases du feu qui devient rouge quand cela leur est nécessaire. Ces feux ne sont donc pas en panne et ils peuvent changer de couleur. Réponse B et C.